Il fait les noces la semaine dernière, les filles et mon petit cousin José, qui est pris pour le gars du cas des couleurs, le plus gros fermier de Genor. Moi, il est toi coupé de voulait toi net la fille du Boustourou, tout en dansant dans les granges du Bastien, il y dit, me convainc ben. En tiquant les polkas, les polkas, les sauterieux que, en tiquant les polkas, les gars de Genor, et en virant les polkas. Les sauteriers peu en tournant les polkas, les gars de Genor. Tout en virant, il y dit au bel enfant, vos gigognés tout que moi je mens. Y'a ben des mots de danse avec en vous, au mitian de ce patarou. Elle me dit, mon pour cher dodo, vous n'êtes pas une goutte d'air dans le suyau. Léchez-moi, Esther, si vous n'êtes point de piergé, et peu elle est drami. En tiquant les polkas, les sauteriers peu, en tiquant les polkas, les gars de Genor, et en virant les polkas, les sauteriers peu, en tournant les polkas, les gars de Genor. Il se bat des vies qui se brayaient, ma pour sûr qu'ils ne voudront point vous lécher, ils vous aiment si bravement, qu'ils devraient au bain votre galant. Il aime chaud d'argent, un peu huit journaux de champ. Vous en êtes, à mon avis, presque autant. Et peu s'y croit en Quertos Comédie, un gros héritage est venu. En tiquant les polkas, les sauteriotes. En tiquant les polkas, les gars de Genor. Et en virant les polkas, les sauteriotes. En tournant les polkas, les gars de Genor. Ils ont dansé tout le monde est au fou. Quasiment de nœud, y'est tout et bout. Y'est aussi mou qui me suis cafouillé sur les genoux de les jeunes mériers. La toinette me dit que mon c'est que ne va point me rire en qu'est-ce qu'on quitte. Quand tu serais mon homme à fort et te reverper, parce qu'il pourra au bain de brouetter. En piquant les polkas, les sauteriotes. En piquant les polkas, les gars de Genor. Et en virant les polkas, les sauteriotes. Les polkas, les gars de Genor. C'te sacré p'tiot m'est ensorcelé. Crédier, c'est yo le crébin qui va me mérier. Masque mon bête, sauf qu'à faut qu'il invite un tas de gueules lui à goûter. Ils voudront ben vous inviter tortout. Ma, y'a pour que ça me coûte ben des sous. Moi que sur la toinette que t'arrêt le pout-monnaie. Ben le bonsoir tout le monde, il m'en va. En tiquant les polkas, les sauteriotes. En tiquant les polkas, les gars de Genor. Et en virant les polkas, les sauteriotes. En tournant les polkas, les gars de Genor. Et en tiquant les polkas, les sauteriotes. En tiquant les polkas, les gars de Genor. Et en virant les polkas, les sauteriotes. Les polkas, les gars de Genor, et on dit...